Ouais, je m'en pote, quoi, qu'est-ce que tu me veux? Alors, tu voulais savoir où je suis là? Ben. Je le dirai tout à l'heure, là tu te prends ce putain de morceau et après je te dirai. Ok? Bon, t'es prêt parce que là c'est chaud. Ok? Let's go! Oh, fuck l'industrie! Oh, du disque! Oh, j'aime prendre ce risque! Oh, sortir mes disques! Oh, le bif! Oh, what's a biz? Yo, yo, yo, faites attention, c'est encore moi le mauvais gars. Dans ce monde des affaires, j'avance pépère à petits pas. Dans ce monde des affaires, t'as beau chercher mon public car je fais du rap impopulaire. Pour ce genre de gars qui te fera le signe, c'est game over. Et ouais mon pote, je suis en la loi dans ce monde des affaires. Pourtant les gens sont très sympas dans ce monde des affaires. Ne cherche pas, c'est toi le champion, t'es trop super. Tu connais tout dans ce monde des affaires. T'es pas content, tu me fais la guerre. T'es pas conscient qu'avec moi t'es game over. Eh ouais mon pote c'est R à Z, indépendant dans ce monde des affaires. Oh, le biz, le biz. Tiens, dans ce monde des affaires, y'a trop de gens vrais. Dans ce monde des affaires, chaud. Faites attention, c'est encore moi le mauvais garçon qui fait du rap en infraction. J'ai monté mon lab sans relation. J'ai rien du gars super important. Monsieur le King ne comprend pas ma discrétion. Mon avant, c'est sans ambition. Dans ce monde des affaires, y'a rien à faire. J'ai pas les gros plans, le gros soutien de la population. Dans cet endroit où tout est beau, je traverse la street sans promo. Si on me casse la gueule, je regarde en avant. Je sors mes skirts sans complication. T'as beau traduire mes prestations avec ta team d'intelligence. Prends-toi mon style d'un autre temps. Bien sûr que le fric c'est motivant. Les gros de manique c'est fatigant. Économie, négociation. Chacun ça comme sa promotion. Mais moi là, bien c'est la discrétion qui vient de façon la pression. Et ouais mon pote c'est trop trop chaud. L'indépendance dans ce gros business de la chanson. Eh ouais. Trop chaud chaud. Le beef. Oh. Bon quoi, tu voulais savoir où je suis? Ben là je suis dans Genève mon pote, je prépare un putain de casse. Allez, fais ton sale boulot et viens me chercher. Ha. Bon, tu sais que c'est RAP tout simplement mon pote. Allez, ciao.